sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, bienvenue au Grain de Sable, c'est Cédric Le Terme qui vous accompagne aujourd'hui en l'absence de Valérie Blouin, vous allez pouvoir retrouver dès la semaine prochaine. Alors en attendant aujourd'hui, mais on va parler de la nouvelle campagne de développement EPN qui s'intitule « Solidaire, l'avenir est entre nos mains ». C'est Fernand Dumont, un bénévole de développement EPN qui va venir nous en parler. Alors ensuite, en deuxième partie de l'émission, on reçoit Robert Jasmin, et oui, qui va venir nous parler évidemment du mouvement Occupy Wall Street dans le cadre de sa chronique consacrée aux États-Unis. Alors on commence d'abord comme d'habitude avec une pièce musicale, c'est Amberne des Cowboys Fringants, ici sur les ondes de CKRL. Vous aurez reconnu Arcade Fire et non ce qu'on vous avait annoncé, petit problème technique en studio, c'est pas très grave. On est rejoint donc par Fernand Dumont de Développement Épais. Bonjour Fernand. Bonjour. Qu'on avait déjà reçu d'ailleurs ici à l'émission la saison dernière dans le cadre d'une chronique consacrée à la Bolivie qui est disponible sur le site internet si jamais ça intéresse nos auditeurs. Alors pour vous présenter brièvement, avant de passer à ce pourquoi vous êtes venu, vous avez donc 54 ans, vous êtes travailleur spécialisé en usine et féru de justice sociale et environnementale depuis 40 ans, ce qui vous a amené à vous impliquer bénévolement pour Développement Épais. Alors justement, Développement Épais, la raison de votre venue ici, c'est que Développement Épais lance une nouvelle campagne, sa campagne annuelle qui s'intitule « Solidaire, l'avenir est entre nos mains » et qui suit à peu près, si j'ai bien compris, celles qui ont été réalisées ces 5 dernières années sur la question de l'eau et de l'industrie minière. Alors, on va commencer tout de suite par le cœur du sujet. Au-delà du slogan de la campagne « Solidaire, l'avenir est entre nos mains », quels sont les enjeux plus précisément qui sont mis de l'avant cette année? Alors, étant donné que Développement Épais, c'est une organisation qui travaille avec mes partenaires du Sud, on est à leur écoute. Et dans les dernières années, à mesure qu'on préparait les plans d'avenir, les enjeux qui ressortaient majeur, c'était effectivement les questions d'environnement, de justice écologique et aussi les questions d'alimentation. Alors, pour les 5 prochaines années, on va aborder des thèmes à partir du concept de justice écologique, alors que traditionnellement, on était plus dans la justice sociale. Alors, c'est très nouveau, et la justice écologique inclut les droits humains et inclut aussi le respect de la terre. Alors, on va parler, cette année particulièrement, d'agriculture, la réforme agricole nécessaire sur la planète à cause des enjeux financiers qui sont liés à la sous-alimentation qu'on connaît très bien, là, et puis la flambée des prix, et aussi la crise des changements climatiques qui est bloquée présentement aussi, le contrôle des gaz à effet de serre. Alors, on a comme défi de parler de deux choses en même temps. D'accord. Oui, effectivement, à première vue, nourrir la planète et contrer les effets néfastes du changement climatique, ça fait deux énormes sujets pris isolément. Comment est-ce que vous comptez mener de front dans une même campagne deux enjeux aussi gros, finalement? Ben, si je résumerais ce qui est ressorti des forums sociaux mondiaux, ce qui est un consensus, c'est que la crise financière a continué de ruiner les petits agriculteurs et d'affamer ceux qui n'ont plus d'argent ou de terre. D'accord. Alors ça, c'est le premier processus dans lequel on est pris. Le deuxième processus, c'est les échecs de tous les sommets internationaux sur les changements climatiques. Ça mène nulle part. C'est moins compliqué. Alors, les pauvres, dans le fond, nous ont dit, les petits paysans, on n'attend plus après les dirigeants du Fonds monétaire, de la FAO, tout le monde sait c'est quoi qu'on parle. On apporte des solutions. On en a une solution alternative à proposer. Notre façon de voir l'agriculture et l'alimentation et la vie paysanne est aussi une réponse au changement climatique. Alors, c'est ce qu'ils nous disent. On veut se nourrir et en se nourrissant, on est capable, par nos méthodes agricoles maintenant qui sont modernes, beaucoup plus perfectionnées et raffinées, de résoudre 50% des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Okay. C'est le défi, l'affirmation qu'ils nous font. Bon, c'est un fameux défi. On va y aller un point par la fois, à la fois quand même. Donc là, ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est que là où l'agriculture industrielle, hyper technique, hyper moderne, allègrement subventionnée et qui a augmenté ses rendements quand même considérablement en 50 ans, là où cette agriculture-là a échoué, finalement, des petits paysans, eux, pourraient réussir. Effectivement. Ça fait une illusion, la grande industrie agroalimentaire, parce qu'en réalité, présentement, 70% des paysans de la planète sont des petits producteurs et ils nourrissent 70% de l'humanité. On a l'impression que c'est les grands champs de l'Ouest canadien, de l'Ouest américain ou de l'Europe qui nourrissent. Pas du tout, mais la réalité de la pauvreté est masquée. Les médias, le monde dans lequel on vit nous le masse. Mais quand on est présent sur le terrain, c'est ce qu'on voit. Par contre, ils sont en train de perdre leurs droits, de se faire exproprier. Ils ne sont pas subventionnés du tout, ou très mal. On les a, comme l'exemple de la Somalie, où on a obligé des producteurs à suivre un programme agricole absurde qui a entre autres été une des sources qui les a menés à la famine actuelle. Il ne faut pas se le cacher, c'est 20 ans d'incohérence d'aide au développement, ça, au niveau international. Alors, cette réalité-là, puis il y a un exemple que je pourrais donner, c'est à Madagascar, ce sont des petites organisations de qui on est partenaire, agricoles, qui, avec leurs techniques traditionnelles, ont développé un nouveau type de riz, sans OGM, tout simplement par sélection, raffiné des techniques de culture. Ils ont plus que doublé les rendements. Alors, tu as des petites communautés paysannes de Madagascar qui ont repris le contrôle sur leurs terres et qui maintenant sont, on pourrait dire, ils sont autosuffisants. Ils ont atteint le niveau de la souveraineté alimentaire, non pas de la sécurité. Ils sont capables de vendre du riz ailleurs. Ils ne sont pas dépendants des pesticides ni des engrais chimiques. Alors, comment ont-ils fait? Ben, c'est là. C'est quand tu es 70% de la population paysanne qui est petite, agriculteur, c'est 2 milliards d'individus. Ça a un impact sur le travail en petites parcelles que de grosses machineries ne peuvent pas faire. La solution est... On a des données qui nous montrent que la solution est là. Et d'ailleurs, on l'a même vécu au Québec. Il y a 175 ans, autour de 1830, ici, c'était le tiers-monde. Les Britanniques avaient pris possession du territoire, mais c'était pour couper la forêt. Il n'y avait aucun autre intérêt. Il y a eu la révolte de 1737, qui est à la base une révolte parce que les gens crevaient de faim dans les campagnes. Les Britanniques ont envoyé Lord Durham faire l'enquête et ont dit ça vaut pas la peine de s'occuper de ce monde-là. Dans 50 ans, ça va être disparu. Assimilez-les ceux qui veulent survivre. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il y a une amorce de révolution agricole qui s'est faite au Québec. En date de 100 ans, il y a 1000 villes et villages, paroisses qui sont apparus sur tout le territoire. Évidemment, il y a des péripéties qu'on ne peut pas raconter qui sont très difficiles, mais ça fait qu'on est présent aujourd'hui. Même s'il y a la moitié de la population, à l'époque, qui a immigré aux États-Unis pour travailler dans des usines, il y en a l'autre moitié qui a pris le pari de vivre sur son territoire, de l'occuper. Il y a eu, ça a pris des lois de colonisation, mais les gens se sont appropriés le territoire, ils ont développé des façons de survivre. Ça a créé une dynamique extraordinaire. Aujourd'hui, ben, l'héritage de ça, c'est les fromages québécois. Ça vient de là. Mm-hmm. La particularité de nos fromages vient de là, comme exemple. Alors, il y a des défis. Mais évidemment, il y a d'autres défis qui rejoignent le monde moderne. Mm-hmm. Mais ce qui s'est fait il y a 150, 200 ans peut être refait ailleurs avec des méthodes encore meilleures. Parce que maintenant, on a la connaissance, on a les réseaux, on a Internet, on a la diffusion de l'information, on a de l'expertise, qui est complètement autre chose que l'agro-industrie qu'on nous vend depuis 50 ans. Donc, on pourrait mettre cette technologie-là au service d'une réappropriation. Et voilà, on a une solution alternative, viable, durable. D'accord. À portée de main. C'est pour ça que la campagne dit « L'avenir est entre nos mains ». On a vraiment ce choix-là. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Avant de continuer là-dessus, sur ce thème qui est quand même extrêmement intéressant, on va d'abord s'écouter une deuxième pièce musicale. Ça devrait être « Question à 100 piastres » de Bernard Adamus, si tout va bien. Alors, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Yeah. Bernard Adamus, ici à CKRL. Alors, Monsieur Dumont, on est en train de parler de la nouvelle campagne donc, de développement épais, hein, solidaire, l'avenir est entre nos mains. Vous nous avez expliqué l'aspect alimentaire de la campagne, puis vous avez bien décrit les solutions qui existaient à ce niveau-là. Alors, on va admettre maintenant, puis je sais que c'est osé, on va admettre que la réforme agricole réussit. Okay, la sécurité alimentaire est assurée partout sur Terre, les prix sont stables, la vie paysanne est renouvelée, donc c'est ça, une bonne présomption. Mais pour ce qui est des changements climatiques, on est quand même encore loin du compte, non? Et c'est là qu'on pourrait dire que le grain de sable entre en jeu. D'accord, expliquez-nous ça. Alors, dans la dernière année, en préparant les gens qui travaillent au niveau national, et puis hein, dans le réseau de toutes les ONG sur la question, puis le Forum mondial, et puis les chercheurs, on a été en contact avec, entre autres, une petite ONG qui s'appelle Grain. Bon. Grain, en français, qui est international. Mm-hmm. Ce sont des chercheurs de différentes universités, espagnoles, françaises, québécoises, américaines, et qui font de la recherche fondamentale sur le terrain, dans le sud, okay, auprès des populations paysannes. Et il y a un chercheur de l'Université Concordia à Montréal, mm-hmm, Devlin Kuyek, qui a développé une thèse et qui se corrobore depuis 10 ans de plus en plus en accumulant toutes les données. Alors, on se ramasse avec une espèce de casse-tête. Okay. Alors, dans ce casse-tête, un des éléments importants, c'était le lien oublié, c'était le lien entre le défi de la souveraineté alimentaire de nourrir la planète, le changement climatique. Il y a un lien fondamental qui est évident une fois qu'on a ramassé tous les morceaux ensemble. D'accord. Alors, je peux vous donner quelques exemples. D'ailleurs, cette petite ONG-là, je le dis tout de suite, vient de gagner fin septembre un prix Nobel alternatif. OK, pas mal. Alors, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Il y a une reconnaissance internationale de tous les chercheurs, là, et puis c'est pas n'importe quoi. Alors, en gros, les données sur lesquelles on s'entend, c'est que pour les gaz à effet de serre, il y en a 15 à 18 % qui proviennent de la déforestation ou de la réaffectation des terres qui est enlevée à des paysans et puis mise dans la production agro-industrielle à grande échelle avec des produits chimiques et des choses comme ça. Okay. Parce qu'à ce moment-là, on détruit le sol plutôt et on émet des gaz à effet de serre plutôt que de capter du carbone dans le sol. Okay. Avec les techniques agro-industrielles, c'est ça que ça fait. Et d'ailleurs, c'est 25 à 40 % du CO2 provient de cette industrie agro-industrielle. Alors, en changeant de méthode, on vient de résoudre une partie du problème. L'agriculture elle-même, de toute façon, elle va toujours en utiliser une partie. Elle va toujours en produire, ne serait-ce que parce qu'on est humain puis qu'on émet des gaz à effet de serre nous-mêmes. Mais c'est quand même présentement 11 à 15 %. Ça peut être réduit beaucoup en mettant en valeur beaucoup plus le travail humain avec d'autres méthodes où la mécanisation est réduite à ce que l'utile, sans être pris comme une panacée comme c'est actuellement. Voilà. Alors ensuite, il reste l'emballage, le transport, on sait tout le défi de la production locale. Ça, les gens, ils connaissent ça, Équitaire, il y a des organisations qui nous font réfléchir là-dessus. L'emballage, la distribution, c'est présentement 15 à 20 %. Voilà, ça, c'est énorme. Sur une pomme, si elle vient du Québec, c'est moins pire, mais une orange, il y a tout un contrôle. Alors voilà. Alors, dans l'ensemble, et on a des solutions présentement à chacun de ces éléments-là. Il y a d'autres façons de faire. Mm-hmm. Alors, si on bouleverse ce système-là, on arrive au constat qu'au minimum, on peut réduire les gaz à effet de serre de 40 % et ça peut aller jusqu'à près de 60 %. Ouf. Et ça, c'est seulement étant donné que la solution est en grande partie dans le sud parce qu'ils n'ont pas le choix de d'autres méthodes, déjà, eux autres, ils peuvent résoudre la moitié du problème, même si c'est eux qui subissent les conséquences. C'est ça. Alors, si on fait notre part en plus, ça peut devenir assez extraordinaire. Évidemment, on imagine que c'est un autre monde, mais c'est une réalité. Évidemment, là, je vous donne des chiffres. Ça peut être difficile à croire, mais la première activité qu'on offre, grand public qu'on offre aux gens de Québec, c'est d'assister à la conférence de M. Kuyek à l'Université Laval, au pavillon de Coninck, l'amphithéâtre 3A, déjà ce lundi 17 octobre,

cultive tes goûts. Voilà, merci Fabien. Alors, vous êtes toujours grâce à sur CKRL 89.1. C'est Robert Jasmin qui est avec nous pour sa chronique consacrée aux États-Unis. Alors, évidemment, aujourd'hui, on va parler Occupy Wall Street. On a déjà un petit peu parlé, mais là, on va pouvoir enfin le creuser. Alors, bonsoir, Robert. Bonjour, plutôt. Bonjour, bonsoir. J'avance. Moi, on avait l'habitude. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est un petit peu des réflexes hein, qui sont acquis. Alors, vous savez, pour revenir un petit peu sur le contexte, hein, Occupy Wall Street, il s'agit donc littéralement d'une occupation physique de Wall Street. Cette rue qui symbolise finalement le pouvoir financier américain et mondiale aussi, et c'est une occupation qui dure maintenant depuis un mois. Alors le mouvement est composé d'activistes, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des militants finalement, mais aussi par des gens ordinaires, donc des gens comme vous et moi, des hommes et des femmes, qui sont jamais spécialement descendus dans la rue pour manifester leur opinion et prendre la parole, mais là qu'ils le font. Alors c'est aussi une occupation qui fait boule de neige, vous en avez sûrement entendu parler, c'est en train d'essaimer vraiment à travers le monde, et notamment au Québec. Donc on va parler de tout ça, mais écoute Robert, on va commencer par le début, évidemment, sur l'origine du mouvement. Il y a un parallèle qui est souvent fait ces jours-ci entre Occupy Wall Street et ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec le printemps arabe, ou aussi avec ce qui s'est passé en Europe, hein, notamment avec les occupations de places publiques du mouvement des indignés. Est-ce que c'est un parallèle qui est justifié, d'après toi? Je pense que la réponse est oui et non. Pardon. Ça y est. J'ai couru pour rire. Le printemps arabe et la révolution des indignés se sont évidemment produits dans des pays très différents, chacun avec sa spécificité, puis dans chaque cas, à partir d'un élément déclencheur qui lui était propre. On pense par exemple à ce jeune vendeur de fruits et légumes tunisien qui s'est immolé suite à du harcèlement policier qui l'empêchait de gagner sa vie. Mais dans tous les cas, les manifestations se sont organisées spontanément, sans leader particulier, en dehors des partis politiques et souvent dans la plus totale illégalité. Et c'était des manifestations de masse très imposantes. Mais dans tous les cas, la révolte populaire traduisait un ras-le-bol devant la hausse du chômage, la pauvreté et des inégalités. On peut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En d'autres mots, la mondialisation néolibérale a produit une mondialisation de l'indignation. On peut dire qu'il était temps. Hein. Mais ici, en Amérique, et plus précisément aux États-Unis, puisque c'est de ça qu'on parle en premier lieu, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur, finalement? Alors ici, c'est parti d'une idée, c'est assez étrange, hein, parce que je me souviens d'un parallèle que je vais faire. Pendant les mois qui ont précédé l'occupation, on se disait qu'est-ce qui pourrait faire bouger l'Amérique? Tout était stagnant au niveau des militants, des militantes. Et ça m'a rappelé un peu un article du Nouvel Observateur en février ou mars de 1968. Okay. Et le chroniqueur du Nouvel Obs avait eu un titre qui disait « La France s'ennuie ». Voilà. et personne ne voyait venir cette explosion. Et en Amérique, c'est un fait qui est relativement banal, mais c'est comme dans n'importe quoi. Quand le champ est sec, il suffit d'une étincelle d'où qu'elle vienne. Ouais. Et dans ce cas-ci, c'est une idée du groupe Adbusters qui ont lancé le mot d'ordre « Occupons Wall Street ». Adbusters, est-ce que tu pourrais expliquer de quoi ou de qui il s'agit pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, alors moi personnellement, je le connais bien depuis plusieurs années que j'en manque pas un numéro. Mais il s'agit d'un réseau de militants, contrairement à ce qu'on pourrait croire en premier, on pense tout de suite à une revue. Mais c'est un réseau de militants, d'écrivains, d'artistes, anticonsuméristes au départ. OK. Adbusters veut dire des casseurs de pub, est devenu farouchement anticapitaliste. Ces gens gravitent autour d'un magazine, je l'ai dit, engagé de gauche, sans publicité et autofinancé. Il a un tirage quand même important d'environ 120 000 exemplaires. Ouf, okay, c'est pas rien. Ce qui est beaucoup. Ouais. Ce qui est beaucoup pour une revue. Mais il faut dire qu'elle est d'une qualité telle que moi, je la considère comme une œuvre d'art à chaque fois. Et elle est publiée à Vancouver. Je crois que c'est beaucoup parce que ceux qui publiaient avaient peur de le faire aux États-Unis. OK. Il y avait une marge de manœuvre plus grande à l'époque au Canada. Oui, c'est ça. J'insiste. C'est plus tellement vrai aujourd'hui. Ouais. Alors, ce groupe est à l'origine, ou la revue est à l'origine de la création de divers groupes semblables en France, qui s'appellent Casseurs de pub, en Norvège, en Suède, au Japon. Mais il va sans dire que la masse des lecteurs de la revue se retrouve aux États-Unis. Okay, bon. Et en juillet dernier, c'est ça l'élément déclencheur, c'est qu'ils ont publié une photo et une idée. D'accord. Et c'était une danseuse de ballet devant Wall Street. Et il y avait un mot d'ordre, occupant Wall Street. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le réseau, les réseaux sociaux, les lecteurs prennent la balle au bon et disent oui, voilà l'idée. Ça devienne vraiment quelque chose de conséquent. OK, donc c'est Adbuster qui lance l'appel et puis ça fait boule de neige et ça prend l'ampleur qu'on connaît. Ceci étant dit, pour qu'un tel mot d'ordre fonctionne, pour qu'une idée comme ça prenne racine, finalement, il faut quand même qu'il y ait un terrain qui soit fertile, il faut des conditions qui soient favorables. Oui. Puis ces conditions-là étaient nombreuses et très ressenties par une grande partie de la population. Je ne parle pas évidemment des plus pauvres, mais surtout d'une classe moyenne qui fondait à vue d'œil, notamment les jeunes, dont une bonne partie de diplômés sans travail, plombés par des dettes d'études astronomiques. Mm-hmm. Tout ça sur un fond d'inégalité. Et quand on parle des États-Unis, c'est les plus grandes inégalités de tous les pays développés. Juste quelques chiffres l'illustrent. Mm-hmm. Parce que le fameux 1% dont on parle dans l'occupation de Wall Street contre les 99%. C'est vraiment ça le slogan, oui, l'emblème de la mobilisation. C'est ça. Et le 1% de la population américaine possède 42% de toute la richesse financière des États-Unis. Et lorsque nous disions à ATTAC toutes ces années que les inégalités n'ont pas cessé de croître, mm-hmm, les chiffres nous donnent raison. Parce que ce 1% qui possède aujourd'hui 42% de la richesse n'en possédait que 33%. Et c'est déjà beaucoup, oui, déjà scandaleux. Mais il y a moins de 25 ans. Donc en 25 ans, ce 1%-là a réussi à s'accaparer 10% presque de plus de la richesse totale du pays. Et ce fameux 1% a 25% des revenus. Alors, les revenus, c'est ce qui nous entre chaque année. Ce n'est pas l'ensemble de la fortune, mais c'est ce qui entre chaque année. Alors que 1% a 25% des revenus, alors qu'il n'en avait que 9% il y a 25 ans. Donc, la croissance des inégalités, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et pour ceux qui croient au mythe de l'Américain moyen jouant à la bourse et possédant des actions, les chiffres de la réalité dégonflent le mythe. Mm-hmm. Le 1% le plus riche possède 51% de toutes les actions ou parts de fonds mutuels. Et si on ajoute à ce 1% le plus riche, les 9% plus riches qui suivent, donc les 10% les plus riches, possèdent 90% de toutes les actions ou obligations. Alors, quand on dit que la bourse monte, on voit qui en profite. Exactement, c'est très loin d'être la majorité. Je présume évidemment, d'après ce que tu viens de dire, qu'à l'inverse, les gens qui en profitent le moins, c'est-à-dire finalement les gens qui sont les plus endettés, ne sont certainement pas ceux qui sont en haut de l'échelle. Non, effectivement. Le 1% le plus riche ne possède que 5% des dettes personnelles du pays. Voilà. Bon, ça paraît évidemment aberrant, hein, quand on voit des chiffres comme ça, c'est tout simplement hallucinant. Je pense que c'est des chiffres qui sont sans précédent. Pas tout à fait, pas tout à fait. Ces chiffres sont à peu près les mêmes que dans les années 1923 à 1929. Et rappelons-nous, ce sont les années qui ont conduit à la plus grande crise économique de l'histoire avec le crash de 29. C'est à se demander si on a appris la leçon de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on on est, d'ailleurs, on pourrait se demander si on n'est pas effectivement bien parti pour l'égaler, finalement, ce crash-là, ou même le dépasser avec ce qui se passe actuellement et la deuxième vague de la crise qui nous arrive dessus. Avant de terminer là-dessus, on va s'écouter une dernière chanson. Je vous propose d'écouter, si ça fonctionne, on va toucher du bois, d'écouter World Wild Rebel Song. C'est une chanson de Tom Morello, un ancien du groupe Rage Against the Machine, qui l'a chantée il y a quelques jours pour les gens qui occupent Los Angeles. Et donc, apparemment, c'est un vraiment beau moment de communion. Je vous propose de l'écouter maintenant, et puis après, on poursuit avec Robert Jasmin ici au Grain de Sable. À tout de suite. Worldwide rebel songs, sing out loud all night long. Hang on, man, it won't be long. Worldwide rebel songs, worldwide rebel songs, sing out loud all night long. Hang on, man, it won't be long. Worldwide rebel songs. Tenements of London town, his forces raised at barricades, leaving men half down. Tyrant's foot soldiers and bandmen, guns digging through crumbs. Raise your voices all together, motherfucker, here we come. Worldwide rebel songs, sing out loud. Rebel Song de Tom Morello ici au Grain de Sable. Vous êtes toujours avec nous jusqu'à 13h sur les ondes de CKRL. Après, on est suivi d'Olivia Vu et de son émission Conte de Fées. Alors, en attendant, on va poursuivre sur Occupy Wall Street. On est avec Robert Jasmin qui nous en parlait et qui nous donnait quelques chiffres qui permettent de comprendre finalement d'où vient le ras-le-bol qui s'exprime là-dedans. Et effectivement, d'après ce que tu nous as expliqué, Robert, on comprend pourquoi les personnes qui occupent Wall Street se présentent comme le groupe des 99%. Quoi. Oui, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans ma recherche et dans l'écoute de plusieurs heures de témoignages d'occupants de Wall Street. Cette conscience que les gens qui sont là ont de représenter la majorité. En fait, je fais juste référence aussi en passant à la une du Devoir de ce matin, Planète sous occupation, et on voit une photo des manifestants à New York qui tiennent une grande banderole qui dit tout, « We the people », nous le peuple. Et je fais remarquer que c'est les trois premiers mots de la Constitution américaine. Ouais. Et une Constitution qui est complètement, complètement bafouée par les tenants du vrai pouvoir, le pouvoir financier actuel. Alors, ce « nous », les 99, a frappé l'imagination du peuple américain, et je m'en suis rendu compte la semaine dernière, alors que j'étais aux États-Unis, des gens qui autrefois pensaient naïvement qu'il y avait une sorte d'égalité aux États-Unis. Mm. Les sondages, d'ailleurs, le démontrent, comment les gens croient que c'est un des pays les plus où la richesse est répartie. Mm. Mais c'est un mythe. Et là, maintenant, les gens comprennent qu'ils font partie du 99%. Et qu'il n'y a même pas une petite marche, mais qu'il y a un gouffre qui les sépare du 1%. Et ça a frappé l'imagination. Et maintenant, une forte majorité d'Américains exigent des hausses d'impôts pour les plus riches. De plus en plus, on demande aussi que les responsables de Wall Street soient traduits devant les tribunaux. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Il y a une espèce de frustration. Les petits se font prendre pour... Des crimes bénins, et les plus grands crimes se laissent impunis. Alors. Et, tu évoques justement ce slogan de « nous les 99% », et c'est vrai que c'est très rassembleur, mais il y a beaucoup de commentateurs des grands médias qui ont jugé un peu ces manifestations-là avec beaucoup de condescendance. Bon, c'est pas très surprenant, mais il y avait de la condescendance, il y avait du mépris en disant que le discours finalement était simpliste, il critiquait le fait qu'il n'y avait pas vraiment de revendication claire, que c'était flou, que c'était très simpliste comme opposition. Quoi. Quand la droite tient ce langage, c'est qu'elle sait très bien que la gauche marque des points. Pour porter un message, il faut qu'il soit clair et simple. Mm-hmm. On n'a pas besoin de tout comprendre pour s'indigner. Le droit à l'indignation précède le droit ou le devoir de compréhension. Puis sans indignation... C'est-à-dire, on n'a pas besoin de comprendre pour s'indigner, puis sans indignation, on ne peut pas chercher à comprendre. Le message du 99%, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'il ouvre la porte à d'autres grandes questions. Et c'est une fois qu'on réalise le gouffre entre le 99 et le 1%, les gens se posent des questions, mais pourquoi est-ce que c'est ainsi? Est-ce que c'est normal? Quelle sorte d'économie rend de telles inégalités possibles? Mm-hmm. Ce qui est important, c'est la prise de conscience, finalement, voilà. Plus que ce qu'ils disent. Puis en écoutant les témoignages, j'ai compris que les gens avaient compris. Mm. Puis ils ont compris l'essentiel. C'est-à-dire que les racines du pouvoir ne sont pas au Congrès ou au Sénat ou à la Maison-Blanche, mais bien à Wall Street. Les jeunes que j'ai entendus se foutaient pas mal des commentaires désobligeants que les grands médias corporatifs tenaient à leur égard, parce qu'ils ont compris que les médias, comme les politiciens, répondaient au vrai pouvoir, celui d'une plutocratie non élue et particulièrement antidémocratique. Oui. Donc, c'est ça, tu nous parles des jeunes qui sont là, tu nous parles des gens qui sont là, et manifestement, tu as fait beaucoup de recherches. Est-ce que tu as des détails concrets, des exemples de gens? C'est quoi un peu le profil? C'est quoi les revendications? Comment ça se passe? J'ai passé non seulement des heures sur place, mais des heures sur Internet, et j'engage les gens à y aller. En passant, je ne voudrais pas oublier de mentionner un petit film sur YouTube, un court film qui démontre l'hypocrisie des dirigeants américains, des dirigeants politiques. Ça vaut vraiment le détour. C'est en anglais, mais très clair, mm-hmm. très facile à comprendre. Et il s'agit de taper sur YouTube le titre « I am not moving ».« Je ne bouge pas ». Et c'est évidemment « Je ne bouge pas d'ici oui. » en occupant. Ce que j'ai vu, c'est... Et ça résume un peu beaucoup de le slogan « Enough is enough mm-hmm. ».« Assez, c'est assez oui. ». Donc, ça illustre le ras-le-bol. On disait aussi « Le printemps est arrivé ». Alors là, c'est là qu'on voit qu'ils se connectaient sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le printemps arrive en automne en Amérique. qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai quelques notes sur un manifestant qui disait ceci, et j'ai vraiment été frappé par l'émotion de ce jeune qui disait « Ma jeune sœur est hautement diplômée et elle est sans emploi alors que nous avons donné des milliards des poches des contribuables pour sauver des banquiers criminels ». Il y avait une pancarte d'une jeune fille où c'était écrit « Parlez aux gens ». et dites-leur ce que vous voyez ici. Donc, un souci de transmission. Mm-hmm. Ça c'est vraiment étonnant. Une prise de parole, mais une parole qu'on ne veut pas garder pour soi, mais qu'on veut transmettre. Le phénomène aussi, et ça c'est important de le souligner, parce qu'on nous rabâche les oreilles disant qu'on est dans une société individualiste où les gens ne se préoccupent pas des autres. Et là, on voit des milliers de gens qui se parlent qu'on croyait isolés, mais qui étaient en communication avec les médias sociaux. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant. Il y a aussi des gens qui disaient les gens de Wall Street sont en train de détruire le capitalisme et nous tentons simplement de les aider. Alors, c'est ça qui vaut, il y a de l'humour aussi. Oui, il y a de l'humour, il y a aussi, ils ont sorti leur propre quotidien. Hein. Oui. Il y a le Wall Street Journal, qui représente le monde des affaires, et eux autres ont sorti The Occupied Wall Street Journal. Alors, c'est bon. Oui, et il y a un humour qui détonne beaucoup avec l'agressivité des policiers, et qui sont vraiment visuellement défenseurs du régime. C'est ça. Bon, alors, on va revenir sur du plus concret, peut-être. On sait que le mouvement a pris une ampleur internationale. Hein, aujourd'hui, il y a un mouvement d'action global, hein, donc non seulement en Amérique, mais aussi ailleurs dans le monde, en appui à ce mouvement-là, mais aussi contre leur propre grief, finalement. Comment est-ce qu'on pourrait transposer au Québec les revendications des manifestants de Wall Street? En fait, les raisons peuvent avoir des couleurs différentes, mais elles participent toutes au même phénomène, qui est celui de la dictature de la finance sur nos vies et sur la démocratie. Qu'on pense aux politiques anti-écologiques de Harper au profit des grandes pétrolières ou à l'abandon pur et simple de nos richesses naturelles aux grandes corporations par le gouvernement Charest dans le domaine minier ou énergétique. Peut-être que les exemples sont nombreux aussi pour s'indigner ici. Oui, on a des raisons. Hein? On aurait beaucoup de raisons. Et d'ailleurs, chers auditeurs, au moment où je vous parle, en tout cas dans peu de temps, il y a une occupation qui se prépare ici à Québec, qui se prépare dans le cadre de cette journée internationale d'occupation, de soutien à Wall Street, mais aussi de dénonciation des choses qui ne vont pas chez nous. Ça se passe à Québec, ça se passe aussi à Montréal, ça se passe au Saguenay, ça se passe à Sherbrooke, ça se passe à Trois-Rivières. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de gens. Pour les détails plus spécifiques à Québec, ça débute à 13h30 au Carré de Diouville. Il y a une assemblée générale qui va se tenir à 15h, donc on vous invite à être là, à venir partager votre opinion, à venir prendre la parole, puis à vous réapproprier aussi votre espace qui est à vous avant d'être à qui que ce soit d'autre. On pourrait peut-être insister vraiment sur cet enjeu-là, c'est une volonté de se réapproprier la démocratie. Oui, puis j'insisterais beaucoup sur le fait, et beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais je m'y connais pas beaucoup. Et comme je le disais un peu plus tôt dans l'émission, Le droit à l'indignation précède le devoir de compréhension. Et moi, je ne comprends pas tout, absolument pas tout, mais je sais que chaque personne, avec son niveau de connaissance, est capable d'une conscience. Et c'est la conscience qui est la bougie d'allumage d'une action. Et il ne faut pas attendre de tout comprendre pour se mettre à agir. C'est en agissant qu'on comprend. Et plus on comprend, plus on a le goût d'agir. Ouais, je crois que c'est vraiment ça, d'ailleurs, le message que le mouvement essaie de faire passer, c'est qu'il n'y a pas de réponse préconçue. C'est pour ça que ça se veut non-partisan, inclusif. Ça se veut vraiment une pratique concrète, et c'est à travers le dialogue qu'on va trouver des solutions ensemble. Donc, on vous invite vraiment à participer, à venir, à aider aussi. Hein. Ils ont besoin de logistique, on est en recherche de nourriture, on est en recherche de matériel, etc. Donc, vous pouvez suivre tout ça, tout ce qui est plutôt logistique. Il y a une page Facebook, il y a un groupe Facebook qui est fait. Vous pouvez les joindre. Il y a toutes les informations sur les anciennes assemblées générales. vous pourrez voir les décisions qui ont été prises, vous pourrez lire le manifeste aussi du mouvement, vous pourrez lire la charte, hein, c'est-à-dire qui explique que le mouvement est non violent, que le mouvement se veut inclusif, participatif, etc. Et puis vous pourrez éventuellement poursuivre après si le cœur vous en dit. On va s'arrêter là malheureusement pour aujourd'hui. On vous invite à poursuivre pour ceux que ça tente au Carré d'Youville dans très peu de temps. Merci infiniment Robert hein, pour toutes ces informations et pour ton témoignage. Finalement. Et on se dit à la prochaine. Et on se dit à dans un mois exactement pour ta prochaine chronique sur la situation aux États-Unis avec des nouvelles encore plus fraîches, je suppose, à ce moment-là. On remercie de nouveau évidemment Fernand Dumont et Développement et Paix à travers lui hein, pour être venu nous parler d'un enjeu aussi très important. N'oubliez pas la conférence dont il nous a parlé ce lundi 17 octobre à 19h30 au De Koninck, Université Laval. C'est l'amphithéâtre 3A, si mes souvenirs sont bons. On vous rappelle aussi, comme toujours, que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site internet d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à l'émission. L'adresse est legrainsable@hotmail.com. Restez vigilants si cette semaine il y a un ensemble de mobilisations qui se tiennent contre l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne. Ça va se jouer très bientôt, on nous a souvent parlé et la mobilisation se tient cette semaine. Il y a beaucoup d'informations là-dessus sur le site. Donc on parlait justement de se réapproprier nos enjeux, notre souveraineté politique et économique. C'est un sujet qui touche à ça directement. Donc pour ceux que ça intéresse, allez voir là-dessus comment vous pouvez vous impliquer. Sur ce, moi je vais vous laisser en compagnie d'Olivia Vu et de son émission Conte de Fées. Tout de suite après ces quelques publicités, peut-être même une petite chanson, et puis on poursuit donc toujours sur les ondes de CKRL, cette radio qui cultive tes goûts. À la prochaine.